Il serait bien long de décrire tous les genres de folie auxquels furent en proie ce jour-là les cœurs de Fabrice et de Clélia. La petite porte indiquée dans le billet n'était autre que celle de l'orangerie du palais Crescenzi. Fabrice prit des armes et seul, un peu avant minuit, d'un pas rapide, il passait près de cette porte lorsqu'à son inexprimable joie, il entendit une voix bien connue dire d'un ton très bas « Entre ici, ami de mon cœur. » Fabrice entra avec précaution et se trouva à la vérité dans l'orangerie, mais vis-à-vis d'une fenêtre fortement grillée et élevée, au-dessus du sol, de 3 ou 4 pieds. L'obscurité était profonde. Fabrice avait entendu quelques bruits dans cette fenêtre. Il en reconnaissait la grille avec la main. Lorsqu'il sentit une main passer à travers les barreaux, prendre la sienne et la porter à des lèvres qui lui donnèrent un baiser. « C'est moi, lui dit une voix chérie, qui suis venu ici pour te dire que je t'aime et pour te demander si tu veux m'obéir. » On peut juger de la réponse, de la joie, de l'étonnement de Fabrice. Après les premiers transports, Clélia lui dit « J'ai fait vœu à la Madone, comme tu sais, de ne jamais te voir. C'est pourquoi je te reçois dans cette obscurité profonde. Je veux bien que tu saches que, si jamais tu me forçais à te regarder en plein jour, tout serait fini entre nous. Mais d'abord, je ne veux pas que tu prêches devant Annetta Marini. Mon cher ange, je ne prêcherai plus devant qui que ce soit. Je n'ai prêché que dans l'espoir qu'un jour je te verrai. Ne parle pas ainsi. Songe qu'il ne m'est pas permis à moi de te voir. Ici, nous demandons la permission de passer, sans en dire un seul mot, sur un espace de 3 années. À l'époque où reprend notre récit, il y avait déjà longtemps que le comte Mosca était de retour à Parme comme premier ministre, plus puissant que jamais. Après ces 3 années de bonheur divin, l'âme de Fabrice eut un caprice de tendresse qui vint tout changer. La marquise avait un charmant petit garçon de 2 ans, Sandrino, qui faisait la joie de sa mère. Il était toujours avec elle, ou sur les genoux du marquis Crescenzi. Fabrice, au contraire, ne le voyait presque jamais. Il ne voulut pas qu'il s'accoutumât à chérir un autre père. Il conçut le dessein d'enlever l'enfant avant que ses souvenirs fussent bien distincts. Dans les longues heures de chaque journée où la marquise ne pouvait voir son ami, la présence de Sandrino la consolait. Car nous avons avoué une chose qui semblera bizarre au nord des Alpes. Malgré ses erreurs, elle était restée fidèle à son vœu. Elle avait promis à la Madone, l'on se le rappelle peut-être, de ne jamais voir Fabrice. Telles avaient été ses paroles précises. En conséquence, elle ne le recevait que de nuit, et jamais il n'y avait de lumière dans l'appartement. Mais tous les soirs, il était reçu par son ami. Le bon archevêque Landriani était mort depuis longtemps. La piété, les mœurs exemplaires, l'éloquence de Fabrice l'avaient fait oublier. Son frère aîné était mort, et tous les biens de la famille Del Dongo lui étaient arrivés. À partir de cette époque, il distribua chaque année au vicaire et au curé de son diocèse les 100 et quelques 1000 francs que rapportait l'archevêché de Parme. Il eût été difficile de rêver une vie plus honorée, plus honorable et plus utile que celle que Fabrice était faite, lorsque tout fut troublé par ce malheureux caprice de tendresse. D'après ce vœu que je respecte et qui fait pourtant le malheur de ma vie, « Puisque tu ne veux pas me voir de jour, » dit-il un jour à Clélia, « je suis obligé de vivre constamment seul, n'ayant d'autre distraction que le travail. Et encore, le travail me manque. Au milieu de cette façon sévère et triste de passer les longues heures de chaque journée, une idée s'est présentée qui fait mon tourment et que je combats en vain depuis 6 mois. Mon fils Sandrino ne m'aimera point. Il ne m'entend jamais nommé. Élevé au milieu du luxe aimable du palais Crescenzi, à peine s'il me connaît. Le petit nombre de fois que je le vois, je songe à sa mère, dont il me rappelle la beauté céleste, et que je ne puis regarder. Il doit me trouver une figure sérieuse, ce qui, pour les enfants, veut dire triste. « Eh bien, dit la marquise, autant ce discours qui m'effraie. À revoir mon fils, je veux qu'il habite avec moi, je veux le voir tous les jours, je veux qu'il s'accoutume à m'aimer, je veux l'aimer moi-même à loisir. Puisqu'une fatalité unique au monde veut que je sois privé de ce bonheur dont jouissent tant d'âmes tendres, et que je ne passe pas ma vie avec tout ce que j'adore, je veux du moins avoir auprès de moi un être qui te rappelle à mon cœur, qui te remplace en quelque sorte. Les affaires et les hommes me sont à charge dans ma solitude forcée. Tu sais que l'ambition a toujours été un mot vide pour moi depuis l'instant où j'ai eu le bonheur d'être emprisonné. Et tout ce qui n'est pas sensation de l'âme me semble ridicule dans la mélancolie qui, loin de toi, m'accable.